Passons donc à notre première partie de l'émission. Une entrevue avec la sculpteure et céramiste depuis 20 ans, Marie-André Côté, artiste visuelle depuis au moins 15 ans, qui expose actuellement à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce jusqu'au 24 avril. C'est une série d'œuvres qui habite toute la galerie et titrée « Mater comme un murmure » qui annonce bien une des grandes sources d'inspiration de cet artiste, la nature. Alors, j'ai le grand plaisir de la joindre par téléphone. Bonjour, Marie-André. Bonjour. Gauthier. Alors, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Oui, alors, si vous nous présentiez plus précisément cette grande source d'inspiration qu'est la vôtre, hein, la nature. Oui. En fait, l'exposition que je présente présentement à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, l'idée m'est venue après un voyage à Barcelone où j'ai été très impressionnée par l'architecture de Gaudi et les belles rosaces qu'on retrouve dans les cathédrales. Donc, quand je suis arrivée à la maison, j'ai décidé de réunir la mosaïque de la céramique, les formes rondes et la nature pour un projet qui a duré presque 4 ans. Oui. Alors, oui, et vous avez à ce moment-là, on retrouve tout de ce voyage et ces sources d'inspiration dans votre exposition actuellement à Notre-Dame-de-Grâce. Alors, vous avez différentes sources d'inspiration, vous avez différents éléments de la nature qui vous inspirent, hein, Madame Marie-André Côté? Oui, je suis bien influencée par les motifs, par le mouvement, par les ondulations de l'eau. Ce sont tous des motifs qui m'inspirent beaucoup. Oui, c'est ça. Je travaille aussi beaucoup la photographie, particulièrement la photo macro. Et donc, je suis aussi très influencée par les fleurs, par le centre des fleurs. Donc, De là, votre grande inspiration pour la forme circulaire, hein? Exactement. Et oui. Foisonnante, avec beaucoup de motifs. Des motifs, ce que je trouve intéressant dans votre cas, Madame Marie-André Côté, c'est que ces motifs, hein, vous les voulez un peu répétitifs, multiples, un peu comme dans la nature, comme la régénération naturelle? Oui, exactement, parce que dans la nature, c'est comme ça que la nature fonctionne. Elle répète les motifs sans toutefois être ni tout à fait différente et ni tout à fait pareille. Donc, oui, c'est le même procédé que la nature. Alors, écoutez, et ça vous demande, si vous me parliez immédiatement, là, avant qu'on aille plus de l'avant avec d'autres questions, de votre processus artistique, parce qu'il est, il commence, je pense, avec beaucoup d'observations de la nature, hein? Oui, étant donné que je fais beaucoup de photos, je suis vraiment influencée, mon travail en céramique est beaucoup influencé aussi par la photographie. Donc, au départ, mes photos, c'est plus des photos qui sont presque semi-abstraites, qui influencent beaucoup pour les motifs. Vous déconstruisez des motifs de la nature, hein? Oui, c'est ça, exactement. Et puis par la suite, écoutez, vous, vous êtes une grande observatrice, c'est ce que vous m'avez mentionné, des éléments de la nature même. Vous êtes, je pense, située dans un endroit très naturel et vous prenez des photos, vous avez des croquis aussi, hein? En fait, non, c'est la photographie qui me sert un peu comme un cahier de croquis, en D'accord. fait. Puis, ensuite, je les mets sur Photoshop et avec des filtres, je compose des formes qui sont un peu différentes. Oui, un peu, mais qui sont déconstruites pour les reconstruire, hein? Exactement. Et là, vous avez tout un travail minutieux qui commence en atelier. Parlez-nous donc de ce travail minutieux. Vous avez une formation au départ de céramiste. Oui, c'est ça. Et mon travail, chacune des pièces sont faites en porcelaine, oui, à la main, sans moulage. C'est un processus qui est quand même relativement lent parce que le temps de séchage, les cuissons, ensuite le collage, tout ça est un processus qui est long et lent. Et voilà. Alors, un peu comme le rythme de la nature, hein? Oui, exactement. Un peu aussi comme un rythme de la nature, puis une espèce de méditation et de contemplation aussi. Absolument. Alors, écoutez, c'est très inspirant tout ce que vous nous transmettez au sujet de votre processus. Et il n'est pas rare que vos œuvres peuvent prendre jusqu'à un mois de réalisation et plusieurs mois. Exactement. Oui. Et là, à ce moment-là, écoutez, c'est tout un travail donc qui peut parfois mettre peut-être un travail de bénédictin en atelier. Je vous félicite. Maintenant, Madame Marie-André Côté, parlez-nous maintenant parce que vous faites beaucoup, vous créez beaucoup pour des expositions, j'imagine pour des particuliers, mais vous faites aussi beaucoup dans l'art public. Alors là, écoutez, vous avez emprunté tout un sentier là. Ça va très bien pour vous au niveau de l'art public. Si vous nous parliez de vos réalisations d'art public. Bien, disons que j'ai déjà réalisé trois œuvres d'art public conjointement avec le CAQ, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Oui. J'ai fait une œuvre. Ce sont toujours des œuvres qui sont influencées par la nature, dont une à la bibliothèque de Rosemère et une à la bibliothèque de Laval et une école primaire aussi. Puis, dernièrement, j'ai eu la grande chance d'être appelée par une agence de décoration de France pour créer des œuvres dans des navires de croisière. C'est quelque chose. Oui. Ça a été vraiment une très, très, très belle opportunité. Oui, parlez-nous C'est une œuvre suspendue avec comme des algues qui s'en vont et qui ressemble un peu à un tourbillon de poissons. Une œuvre qui est sur deux étages. Alors, écoutez, oui, et vous, écoutez, parlez-nous un peu du processus pour réaliser ces œuvres. C'est plutôt inhabituel que des céramistes s'impliquent dans la décoration, le décor d'un navire de croisière. De moins en moins quand même, parce que je pense que maintenant, les grands hôtels, les grands magasins font de plus en plus souvent appel à des artistes pour avoir des œuvres dans leur lieu, ce qui est quand même assez important, je trouve. C'est une belle transition maintenant de faire appel à des artistes pour aménager les décors de grandes surfaces comme ça. Alors, vous avez eu des navires de croisière, le Soleil, le Lyrial en Italie, Oui, en 2013, en 2015. C'est le bateau qui était construit en Italie, à Ancona. Puis, et j'ai été installer les œuvres sur place à ce moment-là. J'ai fait en 2013 une installation lumineuse, puis j'en ai refait une deuxième en 2015. Je dois dire que, cependant, ces œuvres-là n'ont pas été faites en céramique parce que, à cause de la fragilité de la terre, donc, elles ont été faites en coriandre. Oui, d'accord. Alors c'est similaire? En fait, d'apparence, visuellement, c'est similaire, mais du coriandre, c'est un plastique, c'est une forme de plastique. Mais il est blanc, puis ensuite il est repeint blanc, donc de l'extérieur, on pourrait penser que c'est encore en porcelaine, mais étant donné la fragilité de la porcelaine, elles ont été faites en coriandre. Alors, Madame Marie-André Côté, on vous souhaite bonne continuation dans ces projets, vraiment. Ben, ces œuvres même, je les ai vues, là, spectaculaires, dans le hall d'un navire de croisière, c'est magnifique. Maintenant, si vous me présentiez votre exposition en cours, comment, présentez-nous cette exposition-là, quelle signification a pour vous ces œuvres disposées dans le lieu de diffusion? OK, alors, les œuvres qui sont présentées présentement sont des... Ce sont des œuvres qui parlent de la beauté et de la fragilité de la nature. Oui. Cependant, sans toutefois m'apesantir sur les dangers qui guettent la nature, on retrouve beaucoup de points rouges dans chacune des œuvres pour signifier, pour faire prendre conscience des alertes ou des signaux d'attention. Oui, absolument, parce que vous avez un message engagé dans vos expositions. Tous mes œuvres ont un propos écologique. Oui, tout à fait. Et si nous présentions un petit peu les différentes œuvres pour le parcours qui est proposé au public sur place. Quand on entre dans la salle, ça commence par les fleurs. On a d'abord un groupe de rosaces qui ressemblent à des fleurs. Et ensuite, en déambulant, on aperçoit plus des œuvres qui sont inspirées par soit l'architecture ou soit le paysage. et les œuvres qui sont tout au fond parlent particulièrement de l'eau. Alors, écoutez, oui, c'est un beau parcours qui est proposé. La nature créée en galerie à travers votre médium de prédilection qui est la céramique. Et peut-être la toute dernière question, Mme Marie-André Côté. Vous avez donc cette exposition-là jusqu'au 24 avril. Et avez-vous d'autres expositions à venir? Pour l'instant, non. Oui. J'ai déjà présenté cette exposition-là à travers le Québec à plusieurs endroits. Mais une autre chose que je voudrais inciter, peut-être, j'incite les gens à consulter un cahier que j'ai composé qui donne des pistes de réflexion sur les œuvres qui sont présentées à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce. Alors, il faut prendre le temps de consulter ce cahier dans lequel vous partagez beaucoup de vos réflexions. Alors, ça fait un énorme plaisir, Mme Marie-André Côté, de m'entretenir avec vous aujourd'hui au sujet d'une exposition vraiment qui procure un grand bien-être, qui est une grande recommandation du magazine Radio In-Situ. Bonne continuation. Merci. Bonne journée à là où vous demeurez, en pleine nature. Je pense à quel endroit? Deux Montagnes. Deux Montagnes. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.